Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Cayenne. Aujourd'hui, Spring n'est pas là, mais elle vous envoie ce petit son tiré du journal de Radio France Internationale du dimanche 24 mai. Et donc, on va entendre des informations sur les mouvements de contestation à Hong Kong et en Algérie. Voilà, bonne écoute. Bisous les cailloux. Ils sont des milliers à s'être rassemblés à Hong Kong ce dimanche, entre autres pour dénoncer la nouvelle loi de sécurité nationale discutée en ce moment par la Chine. Un texte qui, selon Pékin, devra s'appliquer sans le moindre délai. Les forces de l'ordre sont vite intervenues aujourd'hui. Précision de notre correspondante sur place, Florence de Changy. La situation a très vite dégénéré en début d'après-midi sur les grands axes de l'île de Hong Kong, en particulier à Causeway Bay, le point de départ habituel des grandes marches, mais qui est aussi un quartier commercial très dense où la police anti-émeute était présente en force. Des dizaines de gaz lacrymogènes ont déjà été tirés sans avertissement pour disperser les quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes réunies. Assez vite, tout le reste de l'arsenal anti-émeute a également été déployé, les gaz poivres, mais aussi les canons à eau et les fourgons blindés. Au départ, il y avait eu de nombreux appels à se rassembler cet après-midi pour s'opposer à un projet de loi qui va imposer aux Hongkongais de respecter le drapeau et l'hymne national chinois. Projet de loi qui est en seconde lecture au Parlement local et qui pourrait être adopté très prochainement. Mais l'annonce que Pékin avait l'intention d'imposer une loi de sécurité nationale à Hong Kong en court-circuitant les institutions locales n'a fait qu'augmenter la colère des Hongkongais. Une jeune femme devant le grand magasin Sogo à Causeway Bay tient une pancarte écrite à la main qui dit « Vous ne pourrez pas tous nous tuer, les Hongkongais ne se résigneront jamais ». Florence de Changy, Hong Kong, RFI. En Algérie, la pandémie aura contraint le mouvement de contestation à stopper depuis le 20 mars ses rendez-vous dans la rue chaque vendredi. Or, de nombreux militants du Hirak, c'est le nom donné à ce mouvement de contestation, sont toujours en état d'arrestation et la pandémie n'a pas stoppé les interpellations et les condamnations. Cette semaine, 15 militants ont été condamnés à des peines de prison ferme, dont certains pour des publications faites sur les réseaux sociaux. Magali Lagrange. C'est le cas d'au moins 3 personnes depuis le début de la semaine. Les peines prononcées par la justice algérienne vont jusqu'à 18 mois de prison ferme pour publication pouvant porter atteinte à l'intérêt national ou encore outrage au président de la République. L'organisation Amnesty International constate une augmentation des pressions depuis le début de la crise sanitaire via des convocations de militants ou de personnes actives sur Facebook et pas forcément pour des publications nouvelles. L'ONG note aussi que les condamnations semblent plus sévères, les peines de prison ferme remplaçant celles avec sursis. La photo et le nom de Walid Keshida circulent par exemple sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Ce jeune homme de 25 ans, partisan du Hirak, est détenu à Sétif depuis le 27 avril pour avoir publié des mèmes, des images détournées, se moquant notamment des autorités. Il est accusé d'outrage à corps constitué, d'offense au président de la République et risque jusqu'à 5 ans de prison. Plusieurs chercheurs et observateurs s'accordent à dire que le pouvoir algérien durcit la répression envers les opposants au régime en place depuis que les manifestations sont suspendues. Le Comité national pour la libération des détenus recense actuellement une 60aine de personnes incarcérés en lien avec le Hirak.